bonsoir et bienvenue comme tous les week-ends, le vendredi et le samedi soir, 21h vendredi, 22h le samedi, c'est le mix de Ludo. Sorgi FM. Le mix de Ludo. FM. Le mix de Ludo le vendredi le samedi soir sur Sorgia FM. The river and the stars get a little bit lighter, and the sky looks a sur Sorgia FM.

Le mix de Ludo le vendredi et le samedi soir sur Sorgia FM. Bonsoir, c'est Ludo. Le mix de Ludo, encore pour plus d'une heure. Le mix de Ludo, le vendredi et le samedi soir. Vendredi 21h, samedi 22h. We'll be right back. soirée à vous. Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. Allez, on accélère un petit poil. Amazing party. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Sorgia FM. We'll be right back. Nostalgia FM. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Nostalgia FM. Le vendredi, le samedi soir sur Nostalgia FM. Let's make it back to the old school. Let's make it back.

Désolé pour ce petit blanc, il y a eu une ambiguïté de bouton. Babe, are you hurting? Are you alright? You look like an angel that's down from the sky. And boy, you keep talking, massaging my ego. With your adoration, no big up line. Hell no, what you gonna do? Hell no, I am not your honey. Hell no, I don't want your money. You are aiming to dummies. So baby, I have to praise you. to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.

ta vie, t'as plus besoin de moi. Je vais faire comme si t'existais pas. Je rêvais souvent de toi, le jour comme la nuit, sous la pluie, t'embrasser après minuit, sur la plage d'Amazonie. T'aimerais qu'il te rappelle en tant qu'ontel dans tous les sens. T'aimerais qu'il te ramène le temps d'avant. Dit qu'il te rappellera, mais il est toujours sur répondeur. On m'a dit laisse-le, tu verras. Plus les jours passent et plus j'en pleure. J'espère qu'il te revienne. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Est-ce que je lui envoie un message ou je l'attends? J'aimerais qu'il te rappelle en tant qu'ontel dans tous les sens. J'aimerais qu'il te ramène le temps d'avant. Passez une excellente soirée à l'écoute de Sorgé FM. À l'instant, c'était Alex Thaïs. Une petite nouveauté reçue il y a quelques jours. C'est Gradure. Ne reviens pas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau mix de Ludo. Le vendredi soir à 21h et le samedi à 22h. Bonne nuit. Tu t'es vu avec moi, mais c'était qu'un rêve. Tellement de folle, tellement d'oseille, depuis je célèbre. La boîte ne m'appartient pas, si je veux, je l'achète. Faut que tu coopères, si tu veux pas, va pour ton Uber. Ben, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Ben, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non. Tu me reconnais, je les connais, ils me connaissent les Gaulois. Les bouteilles de collal, violent comme Conan, Myriam ou Morgan. Je l'ai chargé en mégane, je repars en bécane. J'ai pris la russe et j'ai viré la gitane. Jamais en pagane, toujours en bénéf. Deux heures après, on retourne la capitale. Bébé, s'il te plaît, reviens pas. De toute façon, j'ai déjà benda. Ça y est, tu reconnois. C'est le Cheikh et la moula. La roula, les oula, bébé, non, ne les écoute pas. Je les baissais, je suis coupable. Introuvable comme Sosa. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. Le mix de Ludo le samedi soir sur Sorgia FM. Le mix de Ludo le vendredi, le samedi soir sur Sorgia FM. I book myself tables at all the best restaurants they need alone. Myself fast cars just so I can drive them real f***ing slow. I like my own company. in the middle.